Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui Djihad, une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Vincent Hazard, réalisée par Michel Sidorov. La fiction d'aujourd'hui nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui se radicalise et qui décide de perpétrer un attentat en France. Une histoire terrible, mais réelle, évidemment, car depuis ce 7 janvier 2015, jour maudit où les frères Kouachi ont assassiné 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo, la France se trouve confrontée directement et de façon régulière au terrorisme islamique. Le djihadisme donc, tout le monde en parle, mais qui sait ce que ce terme recouvre réellement ? Selon le ministère de l'Intérieur, il resterait encore près de 150 Françaises et Français prisonniers des Kurdes, près de 300 encore en zone irako-syrienne, dont de nombreux enfants. 320 personnes sont revenues en France depuis 2011. En quoi et comment les djihadistes ont-ils détourné les symboles de l'islam ? Comment lutter contre la radicalisation et l'extrémisme en Europe et dans le monde ? Qui sont ces jeunes qui partent se battre au nom d'Allah en Syrie et pour allier quel État, quel idéal ? Et ceux qui tuent et meurent en martyrs dans des attentats féroces en France et en Europe, qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Des musulmans qui découvrent un autre monde ? Des convertis perdus qui cherchent un signal ? Des gens qui cherchent un sens à leur vie mais qui acceptent de se suicider pour la cause ? Des jeunes femmes en quête de pureté et d'honneur ? Que nous racontent ces destins extrêmes ? Enfin, comment parler et retracer l'histoire de cette mouvance, de son invention en 1979 en Afghanistan jusqu'à Daesh, en passant par le 11 septembre, l'invasion américaine de l'Irak, les conséquences des printemps arabes, le désastre syrien et les terribles attentats à Paris. Comment donc décrypter l'idéologie et la propagande djihadiste ? Eh bien, nous tenterons de répondre à ces questions dans la deuxième partie de l'émission avec notre invité Laurent Bonelli, sociologue et co-auteur avec Fabien Carrier du livre intitulé « La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français ». Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Djihad, de Vincent Hazard, une réalisation de Michel Sidorov. Non, Manon, c'était une fille sans histoire. On n'est pas du tout là-dedans. Dans la religion, je veux dire. On n'est pas dans l'islam. On est d'origine portugaise, on mange du porc. Et il n'y avait aucune raison qu'elle tombe là-dedans. Malheureusement, ça peut arriver dans toutes les familles. Mais on comprend pas ce qui nous arrive. Ma femme dort plus, moi c'est pas mieux. Il faut que vous nous aidiez. On est là pour ça. On va faire le maximum pour la retrouver. Il faut absolument l'empêcher de partir là-bas. Monsieur Pereira, il faut que vous compreniez qu'il y a de très fortes chances que Manon soit déjà en Syrie ou en Irak. En 24 heures, c'est souvent déjà trop tard. Il prévoit tout. Ah mon Dieu. Les mineurs peuvent circuler librement dans l'espace Schengen. Elle n'a pas besoin de votre autorisation, les terroristes le savent et l'exploitent. Ils ont dû lui envoyer l'argent pour son billet et des gens de Daesh s'occuperont d'elle pour passer la frontière turque. Ah mon Dieu. Bon là, il a craqué. Je lui ai laissé un moment. Je vais vous passer la suite. D'accord. C'est lui qu'il faut arrêter. C'est lui le responsable. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans preuve. Donnez-moi son nom et on va enquêter. Je sais juste son nom. Imam Ahmed. C'est l'imam de la cité Arthur Rimbaud. C'est vraiment un fléau, cet islam. On voit tellement de gamines avec le voile, maintenant. J'ai rien contre les gens comme vous, hein, madame. Mais qu'est-ce qu'ils ont contre nous, les Arabes ? Faut pas tout mélanger, monsieur. Je suis française, d'origine algérienne, et je n'ai rien contre les Français. Oui, pardon. Tous les Arabes ne sont pas musulmans, tous les musulmans ne sont pas des fondamentalistes, et les filles qui portent le voile ne sont pas toutes des terroristes. Je sais que c'est difficile de rester calme, monsieur Pereira, mais vous tombez dans leur jeu si vous perdez votre sang-froid. Et vous avez raison. Ce qu'ils veulent, c'est diviser. Ce sont les mêmes qui ont massacré des membres de ma famille en Algérie dans les années 90. Je sais comment ils fonctionnent. Les musulmans sont les premières victimes de ces malades. Oui, je sais bien. Nous mettons tout en œuvre pour les arrêter. D'après vous, il y a d'autres individus qui pourraient avoir une responsabilité dans sa radicalisation? À part l'imam, non. Je vois pas. Bien. Attendez, j'ai enregistré une de ses amies. Naël Ben Miloudi? Ouais. Naël. C'est toi qui as porté la lettre aux parents de Manon? Ouais. Mais c'est quoi ça? C'est un interrogatoire? Non. C'est une discussion comme ça. Je veux juste comprendre. Je suis pas là pour te piéger. Vous êtes de la police? Oui. On parle pas trop à la police, nous. Encore une fois, je suis juste là pour comprendre ce qui est arrivé à Manon. C'est comment le quartier Arthur Rimbaud? Bah... C'est pas le 9-3, mais c'est pas tellement mieux. C'est peut-être pire, même. On est loin de tout. Toulouse est à une heure. C'est encore plus le ghetto. Quand on sort de la cité, y a que des vaches. Tu es salafie, hein? Salafiste? Ouais. Et tes parents? Non. Mais vous me suspectez, là, ou quoi? Non, je te dis. Je suis là pour comprendre. Ça fait longtemps que tu portes le voile? 1 an. Et tu portes le niqab en temps normal? Non. C'est interdit par ta loi. Ouais, allez, tu peux me le dire. Je suis pas là pour te mettre une amende. Si t'es salafia, tu dois au moins le porter de temps en temps, non? Non. Tu contournes pas la loi en sortant avec un voile et un masque de médecin. Je sais que ça se fait. La police peut rien dire. Tu vois, je connais. Et je m'en fous. Tes parents sont pratiquants? Vite fait. Comment ça? Ben, ils mangent même pas halal. Mon père va juste à la mosquée de temps en temps pour faire semblant devant les autres. Et ta mère porte le voile? Bah, non. Et tes parents, ils pensent quoi du voile? Bah, ils sont pas d'accord, mais ils peuvent pas faire grand-chose. Et puis, je marche bien à l'école. Je fais pas de conneries. Pourquoi tu as donné la lettre de Manon après son départ? C'est elle qui m'avait demandé. Oui, mais pourquoi après son départ? C'était trop tard, tu savais ce qu'elle allait faire? Par Allah, je savais pas. Elle m'avait dit qu'elle voulait partir à Paris. Je pensais pas que c'était en Syrie, moi. Tu sais où elle a eu l'argent pour le billet d'avion? Non, ça je sais pas. C'est l'imam? Qui? Ahmed? Oui. Tu le connais? Bah oui, c'est le seul imam du coin. Elle est où sa salle de prière? Dans une petite maison, mais je sais pas qui c'est. Il vient d'où cet imam? Il est français? Non, c'est un Algérien. C'est un blédard. Il vient du bled, il a un accent. C'est un rigoriste? Bah, ça dépend. Comment ça, ça dépend? Bah, il est salafi, mais c'est pas vraiment officiel. Il le montre pas, quoi. Manon le connaissait? Ouais, bien sûr. C'est lui qui l'a converti? Oui. Il avait une grosse influence sur elle? Ouais, on peut dire ça. Il l'a carrément envoûtée. Mais j'en sais pas tellement plus. C'est juste que je remarquais. Elle m'en parlait pas du tout. Elle en sait sûrement plus, mais elle n'a pas voulu l'accuser. Elle a peut-être peur. Bon travail, Farida. Merci. Qu'est-ce qu'on a sur cet imam? Officiellement, rien. Inconnu du service. La mairie n'avait pas à se plaindre et visiblement la mosquée a une bonne réputation. Et tu lui as parlé? Je l'ai eu que 2 minutes sur un parking. Il a une petite 50aine d'années. Il n'a pas l'air franc. Il détourne le regard et me parle avec chasteté, comme ils disent. Apparemment, il est tout le temps accompagné. Il n'a pas le permis, il se fait conduire. Il a l'air de débarquer du bled, c'est clair, il a un fort accent. Il n'a rien lâché d'intéressant, juste qu'il ne connaissait pas Manon. On sait si Manon allait à cette mosquée? Pas vraiment. Ça se fait pas trop pour les femmes de venir à la prière. Elle n'est pas connue par les fidèles, en tout cas. De toute façon, j'imagine que s'il y avait du prêche hardcore, on le saurait. Tu n'as pas de témoin sur place? Non. C'est une petite ville, mais Manon n'était pas connue. Laurent a raison. Il n'y a pas de traces de salafisme dans la mosquée. Il y a quelques cas de rigoristes, dont cette Naël, mais c'est sûr que ce n'était pas un problème jusqu'à présent. Donc pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Farida, il va nous falloir une enquête plus poussée sur cet imam. Appelle le parquet et explique au juge d'instruction où on en est. Essaie d'obtenir une commission rogatoire. Si besoin, je pourrais t'appuyer. Ça marche. Cher papa, chère maman, quand vous lirez cette lettre, Inch'Allah, je serai loin. Asseyez-vous et lisez attentivement. Allah m'a donné le courage pour rejoindre mes frères et mes sœurs en Syrie. Ne vous inquiétez pas pour moi, c'est la décision du Très-Haut. Je sais que vous n'arrivez pas à comprendre... Mais je demande à Allah dans mes prières d'apaiser vos cœurs et de dissiper votre inquiétude. Je vais m'occuper des autres sur la terre bénie d'Allah et je serai forcément heureuse. Rassurez-vous, je vous aime. Manon. 16 ans. Manon et Naël ont 16 ans. Je sais que je devrais pas penser à ça, mais c'est plus fort que moi. Moi, à 16 ans, tout ce que je voulais, c'était quitter l'Algérie. Fuir les barbus qui massacraient des innocents au nom d'une religion qu'ils déshonoraient. Venir en France, pour moi, ça voulait dire me libérer. La France, pour elle, elle la voit comme une prison. Elle ne se rend pas compte qu'elle s'enferme elle-même au lieu de se libérer. Pourquoi on m'oblige à pointer 2 fois par jour au commissariat? J'ai rien fait. C'est la décision du juge, c'est pas la mienne. C'est juste parce que je porte le voile. Mais non, c'est un principe de précaution. Vous me soupçonnez parce que j'ai apporté la lettre de Manon à ses parents? C'est n'importe quoi. Je sais. C'est dur, mais tu vois le climat actuel. Il y a des gens qui sont dangereux et on est obligé de contrôler. Pourquoi t'es revenue? Les parents de Manon ont dû te dire qu'ils lui ont parlé. Ouais, je savais. Elle est bien en Syrie. Pour l'instant, elle est vivante. Mais on veut éviter que d'autres fassent la même connerie ici. Ouais, mais ça craint pour moi si on me voit avec vous. Écoute, si on te pose des questions, tu dis que je suis ta tante et que j'arrive d'Espagne pour voir la famille. Ok. Tu as revu l'imam? Non, lui, je l'ai pas revu. Il m'a mis la haine pour ce qu'il a fait à Manon, la vérité. Comment vous l'avez connu? On allait le voir pour des conseils. Après, il nous parlait surtout par Internet. Manon et moi, avec d'autres filles. C'est lui qui a décidé de faire comme ça. Comment vous communiquiez? Il nous a fait télécharger la messagerie Telegram. De quoi vous parliez? De religion, au début. Il nous envoyait des vidéos pour être de bonnes musulmanes. Le mariage, le respect de l'époux, les devoirs de la femme envers son mari. C'est tout? Après l'attentat de Charlie Hebdo, il a commencé à nous envoyer des autres vidéos. Quel genre de vidéos? Bah, des trucs sur les coups montés que font les koufars contre l'islam. Quoi, par exemple? Bah, je te dis. Des trucs comme l'attentat de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qu'il disait sur Charlie Hebdo? Que c'est un coup monté par le gouvernement français, par les sionistes, pour avoir une raison d'attaquer les musulmans. Et toi, tu crois que c'est un coup monté? Bah, il y a beaucoup de preuves, quand même. Le fait que la voiture ne soit pas la même sur les vidéos que celle qu'on a retrouvée. C'est la même, pourtant. Non, mais en fait, c'est même pas les frères Kouachi qui ont fait le coup. On leur a fait porter le chapeau. Les mecs qui se font passer pour eux appellent le prophète Mahomet. Aucun musulman appelle le prophète Mahomet. C'est une insulte. C'est n'importe quoi. Mohammed, ça veut dire béni. Et tu crois que le gouvernement français aurait fait tuer des citoyens français comme ça? Bah ouais. Pour créer la guerre civile avec nous, les musulmans. Tu ne crois pas que ces vidéos, c'est plutôt pour excuser ce que les frères Kouachi ont fait? C'était bien leur mot, leur voiture. C'était eux, Shérif et Seyd Kouachi, qui ont tué. C'est terrible à dire, mais c'était juste de paumés qui ont tué des innocents. C'était un assassinat, pas un djihad. Et tu crois que l'imam est responsable du départ de Manon? Je crois bien. Pourquoi tu dis ça? Moi, au bout d'un moment, j'ai laissé tomber le groupe Telegram. Je suis restée sur les livres que j'avais. Je le sentais pas, cet imam. Et Manon? Manon, elle était à fond et elle me parlait tout le temps de lui et de ce qu'il disait. Et quand elle a vu que je croyais pas que c'était une bonne idée d'aller en Syrie, elle a arrêté de me parler. Elle voulait se marier avec un combattant. Et toi? Pourquoi tu voulais pas partir en Syrie? Franchement, je sais pas. D'un côté, elle a fait sa hijra. Elle est partie vivre en terre d'islam. Mais de l'autre, la Syrie, c'est pas un pays où je pourrais vivre. Pourquoi? Bah, les vidéos de décapitation, tout ça. J'arrive pas. C'est horrible, quand même. Et vous envoyez des vidéos comme ça, l'imam? Ouais. Des trucs horribles. Il disait que c'était comme ça que devaient finir ceux qui attaquaient l'islam. Et c'est pour ça que tu as quitté le groupe Telegram? Ouais. Écoute, Naël, je vais devoir reprendre mon train pour Paris. On reste en contact. En attendant, tu dis rien. Tu évites l'imam. Mais si tu entends quoi que ce soit, sur lui ou sur Manon, tu me contactes à ce numéro. Ok? Ouais? L'imam a quitté le pays. La commission rogatoire est arrivée trop tard. Je demande une extension pour l'international. Oh merde. Il est où? En Syrie? Non, à Alger. Encore un capeur de mourir en martyr. Laisse tomber pour l'extension, ça servira à rien. Mais plutôt nos contacts algériens sur le coup. Ok. Ils me doivent des services, mais ils ne nous donneront que ce qu'ils veulent bien nous donner. Ok, on verra bien. Y a plus qu'à attendre. On a aspiré les ordinateurs et les téléphones. Les deux plus jeunes n'étaient pas connus. Elles parlaient d'un halal, mariage religieux, à Adèle Kermiche, le terroriste de Saint-Étienne-du-Rouvray, et à Larossi Abala, qui a tué le couple de policiers à Magnanville. Il n'était pas déjà marié, Kermiche ? Si. Ça fait partie des avantages du métier de djihadiste. Il en faut bien quelques-uns quand on se fait sauter le caisson. Reste sur les faits, Laurent. Bon, sinon, comme d'hab, ils étaient sur la messagerie Telegram. Vous avez pu récupérer des conversations ? Oui, on a récupéré la clé de chiffrement. Mais on n'a pas récupéré grand-chose. On a un truc pour toi, Farida. Les filles étaient en contact régulier avec une certaine Manon, qui disait être en Syrie. Manon ? Comme Manon Pereira ? La description correspond. Elle a joué un rôle déterminant dans l'embrigadement des deux plus jeunes. Tu as des choses sur l'imam Ahmed ? Ah ça, non. Les filles coopèrent ? C'est difficile à savoir. Elles sont très jeunes et elles sont en vrac. Tu leur as fait identifier Manon Pereira ? Elles ne l'ont jamais vue en vidéo. Elles disent qu'elles n'en savent pas plus. Mais par contre, les messages sont clairs. Manon leur a dit qu'elle se sentait prête pour passer à l'acte. Quand ? On ne sait pas. Elle a aussi pu mentir aux filles. On ne sait même pas si elle est de retour en France. Elle est peut-être jamais partie. Mais pourquoi vous venez nous voir maintenant ? On a des raisons de penser que Manon serait de retour en France. C'est pas possible. On est sûr de rien pour l'instant. Et vous voulez savoir si elle est à la maison ? Vous êtes sérieuse ? On ne vous accuse de rien, monsieur Pereira. Encore heureux ? Non, elle n'est pas revenue. Vous avez peut-être une idée d'où elle pourrait être ? Mais non ! C'est une gamine ! Elle n'a jamais quitté la maison. Calmez-vous, monsieur Pereira. Mais vous me faites marrer. J'ai tous les droits de m'énerver. 6 mois qu'on m'a pris ma fille. 6 mois qu'on me demande de l'aide pour la récupérer et qu'on nous laisse tout seul. Tout seul. Je comprends, mais les moyens de l'État sont limités. Je peux rien vous dire, parce que je ne sais rien. Voilà. On lui a juste parlé 3 fois en 6 mois. Elle nous a dit qu'elle est dans une de ces maisons où les femmes attendent d'être mariées à un combattant. On l'a vu un peu en vidéo. Elle nous ment sur tout. Ça fait 2 mois qu'on n'a plus de nouvelles. Au moins, si elle est en France, c'est qu'elle est toujours en vie. Ça, c'est pour monsieur Pereira. J'ai encore un enregistrement de Naël. Non, j'ai pas de nouvelles. On a des raisons de penser qu'elle est en France. C'est pas vrai. Où ça ? Justement, on se demandait si tu avais pas une idée. Non, mais elle a pas beaucoup de famille et j'étais sa meilleure amie. On saurait si elle était là. Tu as des nouvelles de l'imam ? Non. On se demande si Manon ne prépare pas un attentat. Non. Il faut qu'on la retrouve avant qu'elle fasse une connerie. Si jamais tu entends parler de quoi que ce soit, il faut que tu nous aides. Ouais, bien sûr. Elle a l'air mûre. On en est où de sa surveillance ? On n'a rien. À part son voile, elle ne montre aucun signe dangereux. Elle s'est juste retrouvée dans un mauvais cercle avec cette histoire. Mais elle n'est pas folle. Elle a horreur de la violence, ça se voit. Je crois qu'elle est revenue à la raison. Ok, on y va. Vous êtes sûr de votre coup pour l'imam ? L'imam étant algérien, on ne peut rien faire au niveau extradition. Les services à Alger refusent de me répondre. Pour l'instant, c'est notre seule solution. Ok. Tout est calé avec notre source à Alger. Il va se présenter à l'imam. L'imam va voir que c'est un salaf et il va lui expliquer qu'il veut épouser une franco-française. Il lui présentera du cash pour le mariage. Pour les salafs, le mariage, c'est la moitié de la foi. Et si en plus on lui paie le billet d'avion et les frais, on a une bonne chance qu'il vienne. Mais à part la chercher sur Telegram, je vois pas ce que vous voulez de plus. Elle me répond déjà pas. C'est qu'elle a pas envie. Je vois pas ce que je peux faire de plus. Il faudrait que tu acceptes de témoigner contre l'imam. Hein? Mais vous l'avez arrêté? Je peux pas répondre à cette question. Et on a besoin de toi pour nous aider. On n'a que lui pour espérer remonter à Manon. Mais ça va savoir si je balance sur lui. T'inquiète pas, on te protégera. En me faisant pointer 2 fois par jour? Ma vie, c'est déjà trop la galère. Je veux plus de problèmes. Si tu acceptes, on va arranger ça. Alors je peux compter sur toi? Pour Manon. Pour Manon. D'accord. J'y suis pour rien, moi, dans tout ça. Tout ça est une plaisanterie. Ça ne sert à rien de parler, on ne peut pas commencer sans votre avocat. C'est la loi et c'est aussi pour vous protéger. Je n'ai pas besoin d'un avocat. Je n'ai pas besoin de votre protection, c'est Dieu qui me protège. Je vous dis que je n'ai rien fait. Ça, on va voir. Pourquoi je me serais rendu si j'avais fait des choses illégales? Je ne sais pas, mais vous n'avez peut-être pas eu le choix. Je suis imam. Je suis quelqu'un de responsable et j'ai la responsabilité des musulmans de la mosquée. Je n'ai pas menti à votre ami qui est venu me demander de faire un mariage salafiste, comme il dit. Je ne suis pas salafiste, moi. Je connais pas tout ça. Ça veut pas dire grand-chose. Vous, les salafistes, vous jouez souvent en double jeu. Je ne suis pas salafiste. Je suis malakite. J'ai fait mes études dans le madrasa Madani, à Oran. Je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Vous pourriez pratiquer la tarqiya, la dissimulation. Vous pouvez très bien vous faire passer pour un modéré et prêcher la haine par ailleurs. La tarqiya? Vous pensez être qui pour que je fasse la tarqiya? Que vous vous faites peur? Je ne crains qu'Allah, moi. En plus, vous parlez de choses que vous ne connaissez que par la télé, monsieur. La tarqiya, c'est pour les chiites imamites. Et c'est à utiliser dans des cas très précis. C'est pour dissimuler sa foi si on risque la mort. Pas mentir à 2 policiers dans un interrogatoire. Ce qu'on veut dire, c'est que taqriya ou pas, vous pouvez mentir. Mais ça n'a pas de sens. Je n'avais pas besoin de venir à Paris pour vous parler. Rien ne m'oblige. Pourquoi vous êtes venu quand même? Pour laver mon honneur. Je n'ai jamais prêché la haine. C'est contre toutes nos croyances. Vous pouvez très bien prêcher une chose quand vous êtes en public et dire autre chose en privé. Mais messieurs, ça ne marche pas. La religion, ce n'est pas un jeu. Il y a des règles établies à suivre. Tu suis les règles, c'est bon. Tu suis pas, c'est pas bon. C'est blanc ou noir, pas gris. Et arrêtez avec la taqiya, s'il vous plaît. Je ne suis pas un combattant des Daesh ou je sais pas qui. C'est une insulte. Bon. Et pourquoi vous avez quitté la France aussi vite, alors? Ma mère est tombée malade et je suis le seul à pouvoir m'occuper d'elle. C'est pour ça que je suis rentré. Vous pouvez vérifier, elle est tombée malade juste avant mon départ. Mais de quoi vous m'accusez là? Je n'ai jamais rien fait contre la France. Vous n'avez jamais mis de vidéo radicale sur Internet? Pas du tout. La mosquée avait un site Internet, mais c'était des volontaires de la mosquée qui s'en occupaient. Pour annoncer les dates de Ramadan, les heures des prières, les 6 jeux des serments, voilà ce qu'ils mettent. Qui? Des jeunes. Moi, je ne sais pas comment ça marche, tout ça. Vous ne vous rappelez pas qui? Il y en avait une qui était bien pour ça, une fille sérieuse. Elle s'appelait pas Manon Pereira, par hasard? Ah non, c'était une maghrébine. Merde. Son nom, c'était pas Naël? Ça me dit quelque chose. Elle devait s'occuper de la communauté de jeunes sur Internet. Monsieur Pereira? Oui, c'est Farida. Je suis désolée, mais j'ai besoin que vous me confirmiez quelque chose très rapidement. On a besoin que vous nous disiez dans quelles circonstances vous avez rencontré l'imam. Jamais rencontré. Mais Manon, elle vous avait parlé de lui? Prenez le temps de bien réfléchir, c'est important. Non? Ok, je comprends. Que par Naël? D'accord, c'est noté. Merci, monsieur Pereira. Alors ? Elle a disparu. Depuis la levée du contrôle judiciaire, elle est partie. Elle a pris quelques affaires et elle est partie. Bon. Elle n'a rien dit à sa famille. Elle n'avait pas vraiment d'amis proches. On suppose qu'elle a pris un train. On attend les retours des réquisitions pour accéder aux caméras de la gare. C'est en cours. On est sur l'ordinateur de la maison, mais on a peu d'espoir. Elle avait un ordi portable qu'elle a pris avec elle. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, putain. Vous ne pouviez pas savoir, Farida. Ça arrive. Ça ne fait pas de vous un mauvais agent. Dieu le Très-Haut, quand il aime les gens, il leur soumet des épreuves. Donner sa vie est la preuve ultime de son amour pour le Très-Haut. Manon a payé de sa vie quand les chiens de Bachar et Assad ont bombardé la maison dans laquelle elle et ses sœurs logeaient. Elle était heureuse là-bas. Et elle savait, comme moi, que cette vie sur cette terre, cette dounia ne vaut rien. Je ne regrette pas d'avoir menti à tout le monde et pris l'identité de Manon. Son âme repose en paix. J'ai repris son nom pour qu'elle se venge aussi à travers moi. Ce que je vais faire ne sera pas facile. Mais la grandeur de la récompense va avec la grandeur de l'épreuve. Je ne redoute pas celle qui m'attend, car les anges attitrés d'Allah veillent sur moi et m'escorteront dans l'au-delà. De nouveaux éléments ont été révélés ce matin par la préfecture au sujet de l'attentat à l'explosif en plein cœur de Paris qui n'a heureusement fait qu'une victime, la terroriste elle-même. La terroriste. Car il s'agit en effet d'une jeune femme de 16 ans, Naël Benmiloudi, qui a pu être identifiée rapidement car elle était déjà connue des services de renseignement. En bref, les orages continuent sur le sud-est, la ville d'Orange a été particulièrement touchée cette nuit par des pluies torrentielles. La Corse, de son côté, semble pour l'instant être épargnée, mais le plan de vigilance orange a été maintenu sur tout le sud-est durant les prochaines 24 heures. C'était « Djihad » de Vincent Hazard, avec Farida Souad Temimi, Naël Lola Ruskis-Gingembre, Laurent François Briot, Marc Laurent Lederer, l'imam Ahmed Mahmoud Saïd, la journaliste Evelyne Guimara, Monsieur Pereira, père de Manon, Enrico Di Giovanni. Bruitage Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage Olivier Dupré, Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Romane Chiban. Réalisation, Michel Sidorov. Bumping up and down the street. I'm a hurricane driving all the boys insane. Use their hearts as a weapon and a pistol for their brain. But la la la la lover, I've got to leave. Here's a ta-ta tissue for your ta-ta tears. Danger, danger, who's up? Play your fingers in the pie. Watch out, honey, ain't no dummy. Deadly lovers lie. Question, question, what's their motive? Get him, got him, go. Love him, leave him, leave him. Jihad Romeo. Catch me in the fast lane. Roll the dice and win the game. Self-direct the suckers. Pay off, go for broke again. And play up, play up, play up. Don't cry for me. Mommy's got more tricks than top of us asleep. Holla, holla, it's your love. It's trick and trace and train. Keep him close to heart. Don't wear him on the chain. Freedom, freedom, ain't no reason to be taking lives. Hustle, hustle, spin the puzzle. Friends and foes are spies. Affaires sensibles, la fiction. Pour chacune de ces personnes, l'islam, à un moment donné, a joué un rôle déterminant où on peut clairement distinguer entre une vie d'avant et puis une vie d'après. Principalement, c'est vrai que dans leur discours, on est généralement dans une démarche d'amour, on est dans une démarche religieuse, on est dans ce constat aussi qu'ils ne peuvent pas vivre leur islam comme ils l'entendent en Europe, que l'islam finalement est incompatible avec l'Occident. Et puis par le biais de ce constat, on décide d'émigrer dans une terre qu'on estime musulmane. Et comme pour les personnes qui adhèrent à ces thèses, l'État islamique est représenté comme étant le seul pays véritablement musulman, donc forcément l'émigration devient logique, on va dire, dans cette évidence, enfin, ça tombe comme une évidence dans ce pays-là. Alors c'est vrai qu'on a toujours un petit peu tendance à considérer cet engagement féminin comme étant le résultat d'un amour. Mais il faut aussi se rappeler que le djihadisme met en avant une idée de complémentarité des sexes, enfin très stricte. En gros, un homme va combattre, une femme va concevoir. Et dans cette logique-là, on ne doit pas oublier non plus que la femme a un statut de mineure. Et en fait, plus qu'un mari, c'est un tuteur qu'on va devoir leur trouver pour participer à la communauté djihadiste et puis surtout accomplir leur rôle premier dans le djihad, qui est celui d'être une épouse et d'être une mère. Notamment parce que la maternité est encouragée, parce que c'est aussi une arme de guerre. Enfin, la démographie, le fait que même si vous perdez vos territoires, on va dire géographiques, vous avez encore une génération qui est derrière et qui a été élevée dans ces thèses-là. C'était une interview de Géraldine Cassu, doctorante en sociologie des religions à l'université de Fribourg. C'est un extrait du reportage « Les fiancés du djihad » de Sophie Parmentier, diffusé dans Interception sur France Inter le 11 décembre 2016. France Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui djihad. Notre invité Laurent Bonelli, sociologue et co-auteur avec Fabien Carrier du livre intitulé « La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français ». Bonjour Laurent Bonelli. Bonjour. Vous êtes sociologue et maître de conférences en sciences politiques à l'Université de Paris-Nanterre. Vous êtes co-auteur avec Fabien Carrier du livre intitulé « La fabrique de la radicalité, une sociologie des jeunes djihadistes français ». C'est aux éditions du Seuil. Alors d'abord, on a diffusé une archive que vous avez entendue tout à l'heure. Est-ce que vous partagez l'analyse de cette sociologue sur la différence dans le djihad entre les hommes qui seraient les combattants et les femmes qui sont là pour procréer dans l'idée que la démographie aussi est une arme? Alors, je dirais deux éléments de réponse immédiate. Le premier, c'est qu'il n'y a sans doute pas une manière de s'engager dans le djihad. Il y a sans doute des formes très très différentes que l'on peut constater, y compris chez les femmes. Il y a plusieurs... On a eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de jeunes femmes qui sont précisément parties en Syrie. Et si certaines seront évidemment dans le cas de figure qui a été décrit là, une vision très féminine des choses, l'humanitaire, être des femmes de combattants, il y a aussi toute une série de jeunes femmes qui ont un vrai engagement intellectuel, qui fonctionnent comme des petites intellectuels de la cause, hein, qui produisent de l'information, qui produisent de l'analyse et qui la diffusent. Et qui sont considérés comme des soldats comme les autres. Alors qu'ils sont considérés comme des soldats comme les autres, il y a évidemment des dimensions différentes. Soldats du djihad, j'entends. Soldats du djihad, voilà. C'est-à-dire la question de l'engagement militaire ne se pose pas, mais sur place, il y a un certain nombre de femmes qui combattent, qui participent à la police des mœurs et qui participent à un certain nombre de choses. Donc en réalité, je crois qu'il y a effectivement des divisions de genre, mais il faut se garder de trop les fétichiser. Voilà, c'est moins schématique que ça. Très bien. Le terrorisme djihadiste en France, depuis Mohamed Merah en 2012, et puis bien sûr les attentats commis depuis 2015, ont été accompagnés de beaucoup d'écrits et d'analyses incriminant la jeunesse, les banlieues délinquantes, zones de non-droit, c'est ce qu'on dit, la prison, et puis Internet. On parle d'islamo-gangstérisme ou de terrorisme 2.0. À travers votre livre, qui s'appuie sur une enquête qui a fouillé dans plus de 130 dossiers de mineurs, suivis pour des faits de radicalisation, vous arrivez, en tout cas si j'ai bien compris, à une autre analyse. Donc d'après ce travail, qui sont et que cherchent ces radicalisés? Alors, il y a deux questions dans la même question. Alors, on a eu la chance de pouvoir accéder au dossier judiciaire, effectivement, de 133 mineurs suivis par la justice pour des faits de terrorisme, c'est-à-dire soit des départs vers la Syrie, soit des tentatives d'attentat, soit des jeunes qui étaient tout simplement suivis pour d'autres affaires, mais qui avaient des comportements qui ont en tout cas attiré l'attention des professionnels. Bon. Et ce qui nous a sauté aux yeux immédiatement, c'est au fond la grande hétérogénéité de ce qu'on rassemble sous le label de radicalisation. Pour être très très schématique, on s'aperçoit qu'au fond, en France aujourd'hui, aujourd'hui, l'essentiel des gens signalés pour radicalisation n'ont pas grand-chose à voir avec le djihad. C'est-à-dire, c'est très souvent des comportements de provocation, de rébellion contre les familles ou les institutions, puisqu'aujourd'hui, finalement, ça fonctionne extrêmement bien, je dirais, pour déstabiliser des institutions que d'adopter, d'endosser le registre djihadiste. Donc ça, ça concerne, je dirais, sans doute l'essentiel, finalement, des gens qui, dans notre pays, sont signalés pour ces questions-là. Il n'en reste pas moins qu'on avait aussi dans l'enquête des gens qui ont fait preuve d'un véritable engagement idéologique, le djihadisme étant inséparablement une idéologie politique et religieuse. C'est-à-dire qu'à la fois, on dit des choses aux acteurs du champ religieux musulman, mais on dit aussi, on a aussi en tête un ordre politique et social alternatif que l'on veut pousser. Et effectivement, on a eu l'occasion de travailler sur une soixantaine d'entre eux qui, grosso modo, ont fait, je dirais, un engagement véritable, au point de se mettre en danger physiquement et pénalement, évidemment. Bien sûr. Et là, ce qui était tout à fait intéressant, c'est que, à la différence de ce qu'on pensait trouver au départ, c'est-à-dire des gens issus de familles cassées, avec des parcours de délinquance extrêmement important, finalement type Merah ou Koulibaly ou Kouachi, on a retrouvé tout autre chose, c'est-à-dire des jeunes qui étaient plutôt des jeunes issus de familles populaires mais stables, c'est-à-dire les fractions hautes des milieux populaires, de parents très engagés dans l'encadrement de leurs enfants, dans leur scolarité, très intégrés au point de vue culturel, c'est-à-dire certains ayant francisé les prénoms de leurs enfants ou leurs prénoms eux-mêmes, qui ont poussé leurs enfants à réussir scolairement, qui étaient des bons élèves, inconnus des services de police et de justice, et c'était majoritairement chez les mineurs, ceux-là qui partaient et qui avaient les engagements les plus fermes. Terrible échec dans l'éducation qui part sur de bonnes bases, finalement, on donne des bonnes bases et ça tourne très différemment. C'est un terrible échec pour les familles. Alors, c'est un terrible échec pour les familles. Ce qui est assez intéressant, c'est que, ayant pu accéder à la fois aux éducateurs qui suivaient ces jeunes et à l'ensemble des dossiers judiciaires là-dessus, on a pu rentrer assez finement dans les trajectoires de ces familles. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? C'est que c'est des gamins sur lesquels qui étaient chargés d'une sorte de mission extrêmement ferme d'ascension sociale par procuration et par l'école. C'est-à-dire qu'on a tout fait finalement pour leur donner une appétence pour l'école, pour s'assurer que ça marchait bien à l'école. Et ça a fonctionné dans un premier temps. Et on s'est rendu compte que, pour beaucoup d'entre eux, il y avait un basculement tout à fait important qui apparaissait au moment de l'entrée au lycée, souvent au lycée généraliste, parce que finalement, dans cet univers-là, alors qu'ils venaient de collèges de quartier, les collèges de banlieue, pour le dire très rapidement, assez homogènes socialement, passant dans des lycées de centre-ville généralistes, ils se retrouvaient confrontés à la fois à une élévation des exigences scolaires, d'une part, et une forme de rejet de la part des autres groupes sociaux qu'ils y rencontrent, forme de racisme social, immédiatement, forme de racisme tout court, parfois. On en a un qui est le seul arabe de sa classe, par exemple, on l'appelle Ben Laden, vous voyez, ce qui est évidemment innocent. Et que, dans ce mécanisme-là, l'un le dit très justement, il dit « je n'étais plus à ma place », et ces gamins vont se saisir du djihadisme pour trouver quelque chose qui leur permet de prendre simultanément le contre-pied de l'école, qui les a trahis, disent-ils. C'est un sentiment de déclassement, c'est pas exactement un déclassement, c'est-à-dire que tout allait bien pour eux. Et à un moment donné, ils se rendent compte, finalement, qu'ils sont du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y avait... Pardon, mais prenons l'exemple, peut-être dans le passé, récent quand même, mais de tous ces gosses qui venaient de zones rurales, qui arrivent dans des lycées. Alors, je vais dire, c'est pas la même chose. Bah, ils sont pas devenus djihadistes. Bon, c'est vrai que l'époque dont je parle ne portait pas ça. Mais enfin, je comprends pas ce qui mène à partir d'un changement de site, de lieu, d'ambiance et un changement culturel. Pourquoi ça mènerait à ça, au djihadisme? Alors, ça mène pas nécessairement au djihadisme. D'accord. Mais quand ça mène au djihadisme, pourquoi? Alors, c'est deux éléments. La première chose, c'est que ça n'y mène pas nécessairement. C'est-à-dire, ces moments où, à un moment donné, vous avez cette chute, cet effondrement, notamment au lycée, d'un certain nombre de gamins, c'est extrêmement fréquent. Ça donne très souvent lieu à des tentatives de suicide, de l'anorexie, toute une série de choses. Bon. Là, en l'occurrence, pour ceux que l'on voit, ils vont, je vous disais, prendre quelque chose qui leur permet de prendre le contre-pied de l'école, mais aussi le contre-pied de la famille. C'est-à-dire cette famille qui a fait un effort tout à fait considérable d'insertion sociale, qui a joué dans l'école, et on va réinventer une communauté des origines. Et qu'est-ce qu'on voit très nettement dans l'enquête? On voit que c'est pas un processus individuel, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à rencontrer un autre, une autre, qui ont vécu les mêmes histoires. L'une le dit très bien quand elle dit « j'ai rencontré des gens qui avaient des difficultés, mais qui avaient les mêmes difficultés que moi ». Et progressivement se compose une petite communauté, ce qu'on appelait des communautés émotionnelles, dans lesquelles, finalement, ces jeunes partagent, si vous voulez, des expériences communes, vont progressivement, par le contact avec des militants plus aguerris, ce qu'on appelle des recruteurs, politiser l'heure des ajustements. Oui. Et c'est dans la construction de ces collectifs que se fabriquent les montées en radicalité. Alors, dans votre livre, La fabrique de la radicalité, vous distinguez quatre types, quatre trajectoires de radicalisation. Radicalité apaisante, dites-vous, radicalité rebelle et les radicalités agonistiques. Quelles sont ces distinctions et pourquoi les faire ? Alors, on s'est rendu compte effectivement que les logiques étaient pas qu'il y avait des logiques derrière finalement ce que l'institution judiciaire agrégée sous le label de radicalisation, il y avait des logiques sociales extrêmement différentes. Un peu, vous voyez, comme Durkheim avait fait sur le suicide. Mmh. Vous pouvez arriver à des choses similaires avec des logiques différentes. Bon. On s'est rendu compte que finalement l'engagement le plus ferme, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment partis en série, qui ont fait des actes, était dans ce qu'on a appelé nous une radicalité utopique, c'est-à-dire qu'ils croient, si vous voulez, dans un projet idéologique. Pour les autres, on se rend compte que finalement, ce sont des choses qui ont plus à voir avec des choses assez communes finalement dans notre société. Des gens qui vont dans des familles très cassées chercher dans l'islam une forme d'apaisement et une forme, vous voyez, de cadre pour trouver, pour encadrer les désordres familiaux dans une certaine mesure. C'est ce qu'on appelle la radicalité apaisante. Apaisante, oui. Radicalité rebelle. On voit des formes de rébellion adolescente prendre le registre djihadiste, par exemple dans des familles catholiques. Par exemple, dans des familles athées, par exemple, dans des familles de militaires français déployés en opération extérieure, dans des familles de militants kurdes du PKK, vous voyez. Ouais. À un moment donné, si vous vous convertissez à l'islam dans cette configuration-là, si vous ramenez de l'islam dur chez vous, bah, vous vous doutez bien que ça va faire réagir, et ça fait réagir. Bon, donc ça vient de certains agnostiques quand même, et on arrive maintenant aux radicalités agonistiques, c'est quoi ça? Alors, agonistique, c'est sans doute la plus fréquente dans notre pays, c'est au fond pour des jeunes qui sont, on pourrait dire, très institutionnalisés, c'est-à-dire ceux qui sont les suspects habituels de la justice des mineurs, c'est-à-dire ces jeunes, familles cassées, déscolarisées, petits délinquants, etc., des jeunes très connus par les institutions. On oublie souvent qu'être très connu par les institutions, ça a pour corrélat immédiat de très bien connaître les institutions. Et donc de savoir ce qui peut les mettre en difficulté. Et on s'est rendu compte que des jeunes, par exemple, utilisaient ce registre-là pour déstabiliser les institutions. À l'école, par exemple, dans les moments post-2015 où vous avez des injonctions institutionnelles à la solidarité avec les victimes, crier à l'Akbar pendant la minute de silence, vous êtes sûr que ça va marcher. Bah oui. Face à des éducateurs menacés, vous voyez, dire je suis Daesh, évidemment, ça fonctionne extrêmement bien. Bon, c'est-à-dire ce sont des formes de provocation, mais qui ne se traduisent pas, et c'est sans doute ce qui est intéressant, par des formes d'engagement quelconque dans l'avènement d'un projet idéologique alternatif. Laurent Bonnelli, après le constat, on se retrouvera dans 3 minutes pour voir quelles pourraient être les solutions pour endiguer ce qu'il faut bien appeler un fléau vu les conséquences que ça peut avoir sur les victimes d'attentats. Et puis, il y a quand même les très très lourdes peines de prison pour ceux qui se sont lancés dans ce chemin plus qu'aventureux. Même si tu voulais, tu ne pourras jamais. quand on choisit sa vie. Après le constat, on a essayé de tenter de savoir quels étaient les motifs de ce qu'on appelle la radicalisation, et c'est compliqué d'ailleurs, c'est un vrai travail sociologique, hein, ça demande beaucoup de travail. Comment faire maintenant pour enrayer cette radicalisation? Ça demande peut-être encore plus de travail. Comment la société peut-elle s'y préparer et peut-être changer ses codes? Je ne sais pas, mais ça passe, est-ce que ça passe d'abord par la responsabilité politique d'un État? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse, évidemment. Bien sûr. L'une des choses qu'on a essayé vraiment de tenir dans le livre, c'est qu'à partir du moment où on comprend qu'on a affaire à des logiques différentes, ça veut dire que ça n'appelle à l'évidence pas les mêmes types de réponses politiques. Bon. Et de réponses institutionnelles. Si vous avez des comportements, comme je vous le disais, qui ont pour base la provocation, si vous répondez à la provocation, vous ne faites que la conforter. Ça, c'est extrêmement net, vous voyez. C'est-à-dire que, sur tout un tas de cas, surréagir ne fait que répandre les comportements qu'on essaie d'enrayer. Ça, c'est le premier élément, et c'est très important. Deuxième élément, évidemment, pour ceux qui sont les plus engagés, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Alors, avec un bémol, c'est qu'il faut d'abord savoir que ça concerne extrêmement peu de gens. Nous, on a suivi tous ceux qui avaient été poursuivis par la justice. Et donc heureusement, d'ailleurs. On a l'intégralité. Vous voyez, on est à une soixantaine sur 5 500 000 que compte le secondaire aujourd'hui. C'est-à-dire, ça fait moins d'un pour 100 000. Vous voyez, donc on est quand même sur des chiffres heureusement réduits. Bon, c'est le premier élément. Deuxième élément, évidemment, se pose la question de qu'est-ce qu'on fait une fois que ces jeunes ont été arrêtés, ils sont en prison. Il y a des peines de prison qui sont extrêmement lourdes. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'est rendu compte que, pour ceux qu'on suivait en tout cas, ce qui était intéressant, beaucoup reviennent de Syrie, quand ils sont revenus de Syrie, ils étaient déçus. Parce qu'effectivement, pour ceux qu'on a suivis, la grande idée, c'était la Syrie. C'était, ils projetaient, si vous voulez, tout ce qu'ils n'avaient pas ici, sur la Syrie. Bon, c'est l'endroit où se réalisait une utopie, bon, ils pouvaient, là-bas, ça réglait tous les problèmes. En réalité, quand ils sont arrivés sur place, ils se sont rendus compte que ça ne réglait pas tous les problèmes, bien au contraire. Et un certain nombre d'entre eux, ceux qu'on a pu suivre, sont revenus. Et ils sont revenus déçus. Mais qu'a fait l'incarcération? Tout simplement, je vous l'ai dit, c'est des bons élèves. Et un bon élève qui arrive en prison, ça s'appelle une victime. La seule manière de ne pas être dévoré, si vous voulez, en prison par les droits communs, ça a été pour eux d'en faire des surenchères de radicalité, parce que, comme le disait un éducateur, ça fascine certains, ça effraie les autres. La responsabilité publique, maintenant. Dans une interview que vous donnez au Nouvel Obs avec le psychanalyste Fethi Benslama, vous parlez, je vous cite, des jeunes qui se retrouvent dans les filets de la lutte antiterroriste, ce qui n'est pas leur place, et ça fait résonance à ce que vous venez de dire, et vous donnez l'exemple des provocations dans les écoles de la part des nazis, ce que faisaient les nazis, eux, dans les écoles. Alors c'est assez audacieux, quand même. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire? Alors, il y a quelque chose de très intéressant qui a à voir avec les formes de provocation dont je vous parlais tout à l'heure. Une collègue qui s'appelle Alexandra Hauser, qui a fait un très beau travail sur l'Allemagne, et elle montre, si vous voulez, elle travaille sur la transmission de la mémoire du nazisme en Allemagne. Et qu'est-ce qu'elle montre? Que les bons élèves ont parfaitement intériorisé le discours officiel sur le nazisme, mais que les mauvais élèves, en revanche, font l'apologie d'Hitler. Avec Hitler, il n'y a pas de chômage, etc. Bon. Est-ce que ça fait d'eux des nazis? Non, évidemment. Par contre, ce qu'elle montre également, c'est que là où les établissements scolaires ont surréagi, c'est-à-dire ont essayé de pénaliser, ces comportements se sont évidemment diffusés, puisque ça marche. C'est fait pour déstabiliser l'institution et ça marche. Donc, à l'inverse, là où on a mis en place des logiques de désescalade, on s'est rendu compte que ces comportements disparaissaient. Or, aujourd'hui, je dirais, la question, il y a une vraie question sur ceux qui sont les plus engagés. C'est un vrai problème. Mais à côté de cela, et c'est ce que je disais dans cette interview, c'est qu'on ramène effectivement dans la thématique de l'antiterrorisme tout un tas de gens qui ont des comportements qui en réalité n'ont rien à voir avec cela. Pour tout un tas de jeunes, par exemple, là où hier on insultait, on parlait de la petite vertu de la mère d'un fonctionnaire de police, pour le dire gentiment, dans une interaction rugueuse, aujourd'hui on va dire si j'étais Kouachi, vous ne feriez pas ça. Sauf que hier, ce qui était poursuivi en outrage peut l'être aujourd'hui en apologie du terrorisme. Or, qu'on vous impose l'étiquette apologie du terrorisme ou outrage, ce n'est pas neutre dans la construction des identités des jeunes. On a dans l'enquête tout un tas de jeunes, vous voyez, qui ensuite se sont retrouvés, ils ont dû être tout simplement changés d'établissement scolaire, parce qu'on commence à les appeler le terroriste, etc., etc. Ce à quoi j'ai invité, en tout cas, c'est à la prudence institutionnelle, les catégorisations institutionnelles, les labellisations institutionnelles ont des effets sur les subjectivités des individus, et ça, il faut le prendre en compte. Alors, la dernière question est, ce n'est pas la moindre. Qu'est-ce qu'on en fait, ceux qui reviennent? Alors, doit-on les rapatrier pour les juger en France pour des crimes qu'ils auraient commis au Moyen-Orient? Qu'est-ce qu'on fait quand ils reviennent? Qu'est-ce qu'on en fait? C'est important. Alors la question, elle se pose pas tellement dans ces termes-là. Ce qu'on en fait, on le sait, on les incarcère. C'est à peu près le cas pour l'ensemble d'entre eux. La question qui se pose, c'est au fond, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort de prison? Puisqu'on va pas les laisser en prison toute leur vie. Bon, pour ceux qu'on a suivis, ils ont des peines d'emprisonnement qui peuvent aller jusqu'à 8 ans en avant. C'est assez long. On a suivi dans l'enquête, de manière un peu totalement incidente, parce qu'on avait pris tous les gens poursuivis par terrorisme, des jeunes basques, qui étaient poursuivis pour des attentats contre des agences immobilières. Bon. Que se passe-t-il quand ils sortent de prison? Ils sont pas moins nationalistes que quand ils y sont rentrés. Mais en sortant, ils trouvent un milieu, le milieu nationaliste basque, dans lequel ils peuvent se réinsérer, je dirais économiquement, intellectuellement, politiquement, sans renoncer à leurs convictions, mais en restant dans le cadre de la légalité. Ça s'appelle la démocratie. La question pour les jeunes djihadistes est une vraie question qui n'est pas posée. Ils n'ont pas de communauté dans laquelle ils pourraient se réinsérer. Les rares musulmans qu'ils connaissent, ils les ont insultés, ils les ont traités d'apostats. Donc il n'y a pas finalement de possibilité pour eux de rentrer là-dessus. Et là, vous voyez, je pense qu'on est sur une vraie question. Et je trouve singulier que dans le débat actuel, alors même qu'il y a une immense littérature qui est déployée, on n'utilise pas la littérature de sortie des conflits. Vous savez, des endroits où des gens ont commis des atrocités qu'il faut remettre dans la société. C'est exactement ce qui s'est passé dans toutes les guerres civiles, au Salvador, dans les Balkans et ailleurs. Et là-dessus, on a des kilomètres de bibliothèques dans les institutions internationales sur cette question, qui, nous, à mon avis, pourraient nous aider, voyez, à se poser cette question à un moment donné. Comment fait-on pour que des gens qui ont commis des choses atroces puissent être réintégrés dans notre société? Ça, c'est une vraie question politique. Toute dernière question, mais on imagine la réponse, évidemment, le rôle d'Internet, de la toile, des réseaux sociaux et central, accélérateur dans le phénomène. Alors, je vais révéler quelque chose aux auditeurs. Il se pourrait que la Révolution française ou la Révolution russe aient eu lieu sans Internet. Donc, en réalité, Internet, bien sûr, joue un rôle, bien entendu. C'est un vecteur comme... Il existe, et il a existé dans le passé, d'autres formes de vecteurs. Et il transporte des idées, mais le simple fait qu'une idée vous soit véhiculée ne vous suffit pas à passer à l'acte. Et ça, je pense que c'est un point tout à fait important, vous voyez, les vecteurs, ils ont des choses qui servent à véhiculer des idées, qui ne sont jamais les déclencheurs de passage à l'acte. Le passage à l'acte, c'est avec ce que vous êtes que ça interagit. Bien. Merci infiniment. Merci à vous. Bonnelli, pour vos éclairages sur ce fléau de la radicalisation. C'était Affaires Sensibles, la fiction, aujourd'hui Djihad, une fiction écrite par Vincent Hazard, réalisée par Michel Sidorov, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet et réalisée par Anne Nuro, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Gilles Gaillard et Jean-Philippe Jeanne.